Du rififi chez l'architecte. Faustine peu à peu s'installe dans la routine. Dès lundi matin, elle intègre un nouveau poste à la SCIC, une filiale bancaire. Elle remplit des bons à longueur de journée pour virer de l'argent d'un point A à un point B. Elle s'ennuierait énormément s'il n'y avait là un chef de service sortant de l'ordinaire, car pourvu d'un sens de l'humour inouï. Résultat, la poignée de dactylo présente rit à longueur de journée, qui passe vite, de fait. Revenant rue de Longchamp, Faustine cherche toujours une bricole censée faire plaisir à Julie, histoire de la remercier pour son hospitalité. Un jour, un bouquet de roses, elle a remarqué que Karl ne lui offre jamais de fleurs, l'autre une bouteille de scotch ou des friandises de chez Fauchon. Julie apprécie, mais n'ose pas dire qu'elle aurait préféré un coup de main en cuisine. Elle vient de recevoir les félins promis. Oui, deux chatons au lieu d'un. L'un tout blanc, l'autre tout noir. Elle les a appelés Black and White. Spontanément, comme la célèbre marque de whisky, on ne se refait pas. Ces deux boules de poils sont incroyablement vives et malicieuses. Elles courent du matin au soir. Ce sont des bébés qui, après 2 heures de course poursuite effrénée dans tout l'appartement, tombe d'un bloc et s'endort. Petite langue rose pendante. Très vite, on ne parle plus que d'eux dans la famille La Clairière et tout le monde rit de leur facétie. Même Faustine fait semblant de s'y intéresser. Gif, le chien de Karl, les a vite adoptés aussi. Bonne patte, il se laisse martyriser sans trop réagir. Le vendredi soir, au terme de sa mission intérimaire, Faustine passe à l'agence et retrouve Sylvie, qui déjà lui propose un nouveau poste pour lundi. Chaque fois, Faustine s'émerveille quand dans un pays où plus d'1 600 000 chômeurs battent le pavé, on lui trouve du travail, à elle, une étrangère, dans les 2 heures. Faustine a beau lui dire que la qualité de son travail, disons sa bonne volonté évidente, fait d'elle une valeur sûre, elle est consciente de sa chance. Cette fois, on l'envoie chez un célèbre architecte espagnol, rue Réaumur. Lundi matin, Faustine s'annonce auprès de Solange, l'assistante de RB. Cette dernière, pendue au téléphone, lui fait signe de patienter. Elle négocie avec un coursier la livraison à l'autre bout de Paris d'un collier de prix qu'elle veut offrir à sa maman. Faustine apprécie. Comme ce doit être formidable de développer ce genre de relation avec sa mère. Quand enfin l'assistante du maître raccroche, elle se tourne vers la nouvelle recrue. Bonjour, bienvenue chez Herbie et compagnie. Faustine, c'est bien ça? Moi, c'est Solange. Je ne t'attendais pas si tôt. Les horaires ici, c'est 10h-19h. À midi, on se fait livrer des sandwichs. Tu n'auras pas besoin de rentrer chez toi. Suis-moi, je vais te présenter. Faustine accompagne Solange sur les 3 étages. Elle passe par tous les bureaux. Solange lui présente l'équipe de Herbie. Elle croise même le maître en personne au détour d'un couloir. En discussion avec un collaborateur, il la salue d'un signe de tête. Quel bel homme, pense Faustine, à peine plus âgé que Maxime, pourvu de ce charme latin qui lui plaît tant, elle apprécie en connaisseuse. Quiconque verra Antonio Banderas danser le tango avec Jenna Dewan en 2006 dans le film Dance With Me comprendra. De retour au secrétariat, Faustine, médusée, voit Solange exécuter son show. L'intérimaire se demande bien pourquoi on l'a engagée. Sans doute comme simple faire-valoir. Elle passe son temps à écouter la belle brune commander des fournitures ou engueuler des sous-traitants. Elle a rarement vu quelqu'un brasser autant d'air pour pas grand-chose. Vers 18h30, enfin, Solange se prépare pour l'événement de la saison, la remise des prix de fin d'année, qui aura lieu le soir même au Conservatoire des Arts Appliqués, RB étant un des professeurs honoraires. Pour l'occasion, Solange revêt un chemisier noir transparent qui ne cache rien de sa poitrine parfaite. À 36 ans, c'est une femme magnifique, toujours célibataire et manifestement en recherche. Sous le regard ébahi de Faustine, elle déclare « Que veux-tu ? Si je veux séduire mon futur amant ce soir, il faut que je mette le paquet. » Il est à peine 19 h quand les deux femmes referment derrière elles la porte du cabinet d'architecture. Ricardo Bofill vit avec sa femme, une actrice très belle, et leur fils de 15 ans, dans l'appartement du dernier étage. Il bénéficie d'un ascenseur privé et d'une sortie indépendante. Ce soir, c'est lui qui prononcera le discours que Solange lui a préparé devant l'auditoire du conservatoire. Faustine regrette de ne pas être invitée. Il paraît que les places sont chères. Alors, à demain 10 h. Les jours suivants sont à l'image du premier. Soirée du conservatoire en moins. Solange n'y a malheureusement pas rencontré l'homme de sa vie. Arrive le vendredi matin, où tout l'immeuble semble en ébullition quand Faustine se pointe. « Bon, prends le téléphone et appuie sur la touche rappel jusqu'à ce que ça décroche. » Tu me les passes dès que tu entends le déclic et tu sors de la pièce en fermant la porte derrière toi. Et je fais quoi ensuite? Ce que tu veux. Va leur proposer un café dans les étages ou fume une clope dans la cour. Tu ne reviens que quand je te rappelle. Faustine s'exécute et laissant Solange à sa discussion fait un petit tour d'horizon. Les photos des créations de Herbé explosent sur tous les murs. Il est vraiment doué, pense la jeune femme. Et non seulement c'est un architecte extraordinaire, mais aussi un réalisateur de films et un écrivain. Il a tous les talents. Une maquette imposante occupe également la place centrale de la salle de réunion. L'intérimaire a appris que Herbé était en charge d'un immeuble d'habitation du côté de la gare Montparnasse dans le 14e. Il vient juste de poser la première pierre du chantier des échelles du baroque, place de Catalogne. L'architecte est renommé pour ses logements sociaux, de proportions et de formes classiques. Faustine trouve admirable qu'on fasse enfin des demeures décentes pour les pauvres. Les images sont édifiantes, tout comme celles des constructions antérieures en Espagne, à Barcelone ou à Madrid. Un quart d'heure a passé quand Solange la rappelle. Voilà, c'est fait. Désolée de t'avoir éloignée, mais ce genre de tractation doit demeurer discrète. Je suis tenue au secret professionnel, tu sais, il ne faut pas t'inquiéter. Vrai, je compte sur toi alors. Après tout, si c'est un secret, il est de Polichinelle, sauf pour l'intéresser. La femme de Herbé s'envole pour Madrid avec leur fils tout à l'heure. Elle va voir sa famille. Et comme d'habitude, je dois appeler Madame Claude pour commander une fille. Sa cool girl habituelle n'était pas libre. J'ai perdu du temps à feuilleter le catalogue. Le problème, c'est que Herbé déteste rester seul, même pour une soirée, et il n'a pas de temps à perdre en travaux d'approche. Madame Claude est la seule alternative. Ça me rappelle quelqu'un. Décidément, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Finalement, je vais adopter la loi du talion, moi, puisque c'est comme ça. Ceci dit, Madame Claude existe vraiment? Tu pourrais me donner son numéro? Ce serait génial dans mon carnet d'adresses. Désolée, non, par mesure de sécurité. Et puis, de toute façon, tu dois être parrainée. C'est un cercle très fermé. N'entre pas qui veut. Ouf, je suis épuisée. Je crois que nous avons fini pour la journée. Je te revois lundi matin. Ciao, bon week-end. Ce vendredi, Faustine ne passera pas au bureau Manpower pour aller chercher sa paye. Elle a invité Sylvie et Jean-Fabrice, son mari, rue de Longchamp, pour un de ses spaghettis dont elle a le secret. Comme chaque fin de semaine, Julie est partie avec ses chats à Saint-Mexant dans sa résidence secondaire. Carl et les garçons sont aux quatre coins de la France. Faustine profite de l'appartement pour elle toute seule. Le temps de mettre la sauce à mijoter, on sonne à la porte. Les amis de Faustine ne sont pas venus seuls. Ils sont accompagnés d'un quatrième. Jean-Luc, un électron libre qui squatte chez eux depuis peu et qu'ils ne voulaient pas abandonner. Le jeune homme s'avère passionnant. Il a fait toutes sortes de métiers, le dernier en date étant guide touristique. Le spaghetti est délicieux, le vin généreux, la soirée formidablement animée. On partage les expériences, les boulots, les voyages, les vacances, les aventures. Il est vraiment très tard quand Sylvie et Jean-Fabrice décident de s'en retourner. Faustine, de son côté, est trop bien partie. Elle propose à Jean-Luc de rester finir la deuxième bouteille de cet excellent cru. Il peut même dormir ici ce soir s'il le souhaite. Le jeune homme n'est pas contre, bien au contraire. Quelle nuit, mes aïeux! Au petit matin, Faustine, dans un quart de sommeil, donne à son nouvel ami le dernier billet de 100 francs qui lui reste afin qu'il aille chercher des croissants. Puis elle se rendort. 1 heure plus tard, Jean-Luc n'est toujours pas revenu. Persuadée qu'il ne reviendra plus, la jeune femme est en train de dire adieu à ses sous quand enfin on sonne à la porte. « Avoue que tu ne t'attendais plus à me revoir. » « J'avoue, oui, tu as fait long. C'est que j'ai dû aller très loin pour trouver une boulangerie ouverte. C'est un calvaire, ce 16e. » « Je sais, j'aurais dû te prévenir. En même temps, comme tu m'as dit que tu ne voulais pas t'attacher, ça ne m'étonnait qu'à moitié que tu prennes ton temps. Même si je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on s'entendrait bien sur du long terme. » « Raison de plus pour ne pas te faire un sale coup. Moi aussi, j'aurais volontiers poursuivi notre aventure. » Mais je te rappelle que tu n'es pas plus libre que moi. Ton mec va réapparaître bientôt. Quant à moi, je pars demain pour 6 mois. C'était prévu de longue date. Alors, on les mange ces croissants? Après, faut que je file, j'ai mes bagages à terminer. Jean-Luc est reparti. Faustine reste seule avec ses regrets. Dommage qu'elle ne soit pas prête à quitter Maxime. Elle n'ose pas se mettre au banc de la grande famille des musiciens. La seule qui lui reste, croit-elle, même si elle s'autorise des coups de canif dans le contrat. Choisir la solitude, tout recommencer à zéro, lui est encore impossible. Elle n'a pas atteint le point de non-retour. Lundi matin, au cabinet d'architecture Ricardo Bofill, tout semble calme. Madame est rentrée la veille au soir. Demain, c'est le père de monsieur qui s'annonce. Pour lui, rien de spécial à préparer. Sinon, réserver une table chaque soir dans un célèbre restaurant russe à 2 pas d'ici. Monsieur Herbé Père est grand amateur de vodka et de musique bolchevique. Faute d'occupation intelligente, Faustine s'ennuie à longueur de temps. Finalement, elle ne sert qu'à justifier un budget ou des subventions. Ou alors comme route secours. Mais pourquoi et pour qui? Elle pensait que Herbé était indépendant. Désormais, elle a hâte de terminer cette mission. Le lendemain, à son arrivée, il y a de l'ambiance. Une ambulance attend devant la porte. Solange est aux 400 coups. Des infirmiers apparaissent au bout du couloir. Un homme inanimé est couché sur le brancard. Herbé suit les infirmiers, monte dans l'ambulance et s'assied à côté du malade. Solange raconte à Faustine que pendant la nuit, complètement sous, le père de Herbé s'est enfermé dans une armoire et a menacé de se suicider avec un vieux flingue de collection. Herbé, immédiatement alerté, a tenté pendant des heures de le dissuader jusqu'à ce que l'autre, épuisé, finisse par s'endormir. Solange est catastrophée, pourvu que le scandale n'éclate pas au grand jour et ne nuise pas à son patron. Faustine, de son côté, trouve la chose plutôt amusante. Maintenant que le danger, s'il y en a jamais eu un, est circonscrit. Après tout, le monde a d'autres soucis. Le 29 octobre, Georges Brassens est mort. La France entière pleure le poète qui aura juste le temps de voir l'abolition de la peine capitale, lui qui s'est tant battu pour. Dans une lettre, Maxime évoque de nouveau cette chanson du grand Georges, la non-demande en mariage. Ah, si Faustine ralliait son point de vue et comprenait le sens profond de ces mots. Hélas, la jeune femme n'en est pas là. Une autre chanson lui trotte dans la tête. Non, certes, elle n'est pas bâtie sur du sable sa dynastie. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.